J'en ai marre. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Que je fais. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Parce que l'argent, j'en ai marre. Il y a un dieu, des dieux. Il ne faut rien. J'en ai marre. La direction.